الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس لقد صح عند الترمذي وغيره رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر ويكون الشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة الحديث ها وقد دخلنا في العشر الأواخر من شهر رمضان الذي مر كلمح البصر فمن أحسن فيها فليحمد الله تعالى وليسأل الله الثبات والمزيد ومن قصر فيها فليتدارك وليرجع إلى الله سبحانه وتعالى تائبا مستغفرا ربه وليحسن الختام فإنما الأعمال بالخواتم ومن خرج من شهر رمضان ولم يغفر له فقد خسر خسرانا مبينا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رقى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال آمين ثم قال آمين ثم قال آمين فلما سئل عن ذلك قال أتاني جبريل جاءني جبريل فقال لي شقي من أدرك رمضان فانسلخ منه ولم يغفر له فقلت آمين عباد الله وفي شهر رمضان نرى إقبال المؤمنين إلى الله تبارك وتعالى رب العالمين مستجيبين لله وللرسول صلى الله عليه وسلم وهذا أمر طيب إلا أن الاستجابة لله وللرسول تجب علينا في جميع الأوقات وفي كل الأمكنة يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم فحياتنا إنما هي باستجابتنا لله لما يدعونا إليه الله والرسول من العلم النافع والعمل الصالح فعلم أن موت القلب وهلاكه بفقد ذلك قاله ابن القيم رحمه الله وقد أحسن من قال وفي الجهل قبل الموت موت لأهله أجسامهم قبل القبور قبور فالعبد بحسب سرعته في الاستجابة لله وللرسول عليه الصلاة والسلام في الدنيا يمر على الصراط يوم القيامة والسابقون السابقون أولئك المقربون يقول رب العالمين تبارك وتعالى في كتابه الكريم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ويقول أبو هريرة رضي الله عنه كما أخرج الإمام مسلم رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلمة. قال النووي رحمه الله فيه الحث على المبادرة فيه الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها، فالاستجابة لله وللرسول لها تأثير عظيم في حياة المؤمن، صاحبها أقرب الناس إلى الله عز وجل ودعاؤه يرفع إليه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صاحبها محفوظ من اتباع الهوى، فإن لم نستجيب لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فالذي يستجيب لله وللرسول متبع للحق وغيره متبع للهوى عياذا بالله. صاحبها صاحب الإيمان القوي، قال الله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، بخلاف أهل النفاق والشقاق يصدون عن سبيل الله. صاحبها يكرمه الله عز وجل بالفوز بالجنة، قال تعالى للذين استجابوا لربهم الحسنى أي الجنة. أيها الصائمون أيها المؤمنون أيها الصائمون، الاستجابة لله وللرسول طريقة أولياء الله المتقين وعباده الموحدين. فهؤلاء ملائكة الكرام لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهذا خليل الرحمن وابنه في قصته يقول الله تبارك وتعالى قال في قصة إبراهيم عليه السلام يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين. هذا هو الاستجابة لله، هذا هو الاستجابة لله عز وجل من أنبياء الله. ولما أمر الله عز وجل نبيه محمد عليه الصلاة والسلام بقيام الليل قام الليل قام الليل حتى تتفطر قدماه. هذه طريقة السابقين الأولين أيضا من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، لما حرم الله الخمر تركوه باستجابة سريعة إلى الله عز وجل. فكان أبو طلحة رضي الله عنه مع أصحابه لما بلغته الآية أمر أنس رضي الله عنه أن يكسر آلية الخمور. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فلم يترددوا في الاستجابة لله وللرسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر حرم أكل الحمور، فنادى مناد بذلك فأطفئت القدور بما فيها. انظروا سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم لأمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وهكذا في آية الحجاب استجابة عظيمة من نساء الموحدين. ولما سمع عبد الرحمن السلمي حديث عثمان رضي الله عنه خيركم من تعلم القرآن وعلمه جلس في المسجد 20 سنة يعلم الناس القرآن، علم وعمل ودعوة واصطبار من قبل السابقين الأولين. أيها الصائمون، ها ونحن في العشر الأواخر من شهر رمضان أطيب ليالي السنة فماذا نحن فاعلون؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر الأواخر أو العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى كل خير وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، النبي عليه الصلاة والسلام nous enseigne dans un hadith que l'heure de la fin du monde ne retentira pas tant que le temps ne sera pas rapproché, à un point tel que l'année tout entière ressemblera à un mois, et que le mois entier ressemblera à une semaine, et que la semaine tout entière ressemblera à un jour, et le jour tout entier ressemblera à une heure, et nous voici proches de la fin du mois de Ramadan. Nous voici dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, ces jours sont passés tel un clin d'œil. Celui donc qui a bien œuvré et qui a obéi à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il le remercie, qu'il se montre reconnaissant et qu'il invoque Allah azza wa jalla afin qu'il lui accorde affermissement et régularité et qu'il accepte ses bonnes œuvres. Quant à celui qui a été distrait, quant à celui qui s'est détourné de cette voie, quant à celui qui n'a fait qu'amasser les péchés, et qui ne s'en est pas purifié, qu'il demande pardon à Allah tabaraka wa ta'ala, et qu'il recherche le repentir avant la fin de ce mois, et Allah azza wa jal pardonne à celui qui revient vers lui. Et ce qui prime est la finalité dans toute action. Jabir ibn Abdillah radiallahu anhu nous dit qu'un jour le prophète alayhi salat wa salam est monté sur la première marche du minbar et a dit Amin. Puis il est monté sur la seconde marche du minbar et a dit Amin. Puis sur la troisième, il a dit Amin. Alors nous lui dîmes, ô messager d'Allah, pourquoi as-tu dit cela? Il a répondu, sallallahu alayhi wa sallam, que Jibril lui est venu et il lui a dit que soit éloigné celui qui atteint le mois de Ramadan, lui qui en sort sans s'être vu effacer ses péchés, qu'il soit éloigné en enfer. Alors j'ai dit Amin. Celui donc qui atteint le mois de Ramadan, lui en sort sans avoir fait ce qui plaît à Allah, sans s'être repenti, sans être revenu vers Allah Azza wa Jal, est certes le grand perdant durant le mois de Ramadan. Aussi, nous voyons durant le mois de Ramadan le comment des musulmans revenir vers Allah tabaraka wa ta'ala et peupler ses mosquées. Et ceci est une chose qui réjouit les cœurs de chaque croyant. Néanmoins, il nous faut savoir que le fait de répondre à l'appel d'Allah tabaraka wa ta'ala et de son messager est une chose obligatoire durant le mois de Ramadan, mais également durant les autres mois de l'année. Car Allah tabaraka wa ta'ala, tout comme il est le Seigneur du mois de Ramadan, il est le Seigneur de l'ensemble des mois et celui qui doit être imploré et adoré tout au long de l'année. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. Et Allah a ordonné dans le Coran son adoration jusqu'au dernier souffle de la personne. Il nous ordonne dans son livre en nous disant selon la traduction de ce verset, ou des sens de ce verset, ô vous qui avez cru, répondez à l'appel d'Allah et du messager lorsqu'il vous appelle à la vie des cœurs. Donc notre vie réelle, la vie des cœurs et celle des corps, ne peut se trouver si ce n'est dans le fait de répondre à l'appel d'Allah, à l'appel du messager sallallahu alayhi wa sallam, en prenant la science utile et en mettant en pratique celle-ci. Nous savons donc à travers ce verset que la mort du cœur et sa destruction a lieu en délaissant la réponse à l'appel d'Allah et de son messager. Et c'est parfaitement bien exprimé celui qui a dit « Et l'ignorance et la mort avant la réelle mort, et ses corps en réalité ne sont que des tombes avant les vraies tombes. » Aussi, proportionnellement à la vitesse ou à l'acceptation des ordres d'Allah et de son messager, alayhi salatu wassalam, sache que tu traverseras le pont le jour du jugement dernier. Le pont qui est entre le paradis et l'enfer, tu le traverseras à hauteur de tes actions. Plus tu étais rapide à répondre à l'appel d'Allah et de son messager, plus tu traverseras ce pont rapidement, et plus tu seras élevé en degré au paradis d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est ainsi que sont décrits les croyants dans le Coran. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans son livre, selon la traduction des sens de ce verset, la seule parole que trouvent les croyants à dire lorsqu'on les appelle à Allah et son messager afin qu'ils jugent entre eux, et de dire « Nous avons entendu et nous avons obéi. » Voici les bienheureux, voici ceux qui obtiendront la réussite. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous encourage dans les bonnes œuvres en nous disant « Empressez-vous d'accomplir les bonnes œuvres avant d'être touchés par des troubles. » Avant d'être touchés par des troubles, c'est-à-dire que le serviteur doit se dépêcher de faire ce qui plaît à Allah tabaraka wa ta'ala avant d'être touché par des empêchements dus à la multitude des épreuves et des troubles dans ce bas-monde. Celui qui répond à l'appel d'Allah azza wa jal et de son messager obtiendra tout le bien dans ce bas-monde et dans l'au-delà. Il se rapproche d'Allah et ses invocations seront acceptées. Et lorsque mon serviteur te questionne à mon sujet, je suis proche, je réponds à son appel lorsqu'il m'invoque. Qu'ils répondent à mon appel et qu'ils aient foi en moi afin qu'ils soient bien guidés. Celui qui suit la voix d'Allah et de son messager, alayhi salatu wassalam, et qui obéit à Allah azza wa jalla et son messager, voici ceux qui sont bien guidés et préservés du suivi de leur passion. Allah nous dit selon la traduction, et s'ils ne te répondent pas, sache qu'ils ne font que répondre à leur passion. Sache qu'ils ne font que suivre leur passion. Celui donc qui ne répond pas à l'appel d'Allah et de son messager, en réalité, ne fait que suivre ses passions, wal'iyadu billah. Ce sont les gens qui ont la foi complète, la foi parfaite, ceux qui répondent à l'appel d'Allah, azza wa jalla, et de son messager, à l'image des compagnons et avant ça des messagers et des anges. Celui qui répond à l'appel d'Allah et de son messager, en tout temps et toute époque, dans tout endroit, voici la personne qui obtiendra la sécurité dans ce monde et dans l'au-delà, et qui sera élevé au paradis. Allah nous dit dans son livre, selon la traduction, ceux qui ont répondu à l'appel de leur Seigneur auront Al-Husna. Et l'explication d'Al-Husna dans ce verset, c'est-à-dire le paradis. C'est-à-dire le paradis. Et celui qui répond à l'appel d'Allah et de son messager a des ressemblances avec les meilleures créatures d'Allah. Les anges, à titre d'exemple, Allah nous les décrit en disant, selon la traduction de ce verset, ils ne désobéissent pas à l'ordre d'Allah et font ce qu'il leur commande. Ils font ce qu'on leur commande et ils ont une ressemblance avec Ibrahim alayhi salam et l'ensemble des messagers et des prophètes. Lorsqu'Allah azza wa jalla lui a ordonné de sacrifier son fils lui a répondu « Oh mon cher père, fais ce qu'il t'a été commandé et tu me trouveras si Allah le veut du nombre des endurants. » Et ces deux, Ibrahim alayhi salam et son fils Ismaïl, se sont soumis à l'ordre d'Allah azza wa jalla qui leur a frayé une issue profitable. Celui qui répond à l'appel d'Allah et du messager a une ressemblance avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui, lorsqu'Allah lui a ordonné de prier la nuit, il se levait la nuit et priait jusqu'à ce que ses talons se fendent. Celui qui répond à l'appel d'Allah et de son messager a une ressemblance avec les compagnons qui étaient prompts dans la réponse et dans l'acceptation des ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala. Lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala a interdit l'alcool, a interdit la consommation des boissons enivrantes, Abu Talha radiallahu anhu a dit à Anas, « Oh Anas, lève-toi et casse toutes les bouteilles d'alcool. » C'est ainsi qu'ils étaient. Ils n'avaient aucun doute quant à la promesse d'Allah et de son messager, alayhi salatu wassalam, et ils étaient très prompts dans la mise en pratique des ordres d'Allah azza wa jal. Au retour de la bataille de Khaïba, ils ont été touchés par une grande faim. Ils ont pu avoir un âne, ils l'ont sacrifié et l'ont cuisiné. C'est alors que le messager du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, leur a dit qu'Allah et son messager ont interdit la consommation de l'âne. Alors ils ont éteint les marmites et ils se sont soumis à l'ordre d'Allah Azza wa Jalla et de son messager. Regardez comment ils étaient rapides dans l'acceptation des ordres d'Allah et de son messager. Et lorsqu'Allah Azza wa Jalla a révélé les versets du hijab, les femmes n'ont eu aucun doute quant à l'acceptation de l'ordre d'Allah et se sont soumises à leur Seigneur Tabaraka wa Ta'ala pour revêtir le vêtement de la piété. Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, lorsqu'il a entendu le hadith de Uthman, qu'il rapporte du messager d'Allah, le meilleur d'entre vous est celui qui a mémorisé le Coran et l'a enseigné. Lorsqu'il a entendu ce hadith, il a pris place dans la mosquée pendant 20 ans. Pendant 20 ans, il s'est assis à la mosquée, il enseignait aux gens le Coran. Et lorsqu'on lui a demandé sur cette action, il a répondu, depuis que j'ai entendu ce hadith, je ne l'ai pas délaissé. Regardez comment nos plus prédécesseurs répondaient à l'appel d'Allah Azza wa Jal en espérant sa récompense. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous enseigne dans le Coran et nous ordonne de lui obéir et de l'adorer seul d'un culte sincère. Où en sommes-nous? Où sommes-nous devant les ordres d'Allah et de son messager? Il nous ordonne la bienfaisance envers nos parents. Il nous ordonne la prière. Il nous ordonne le mot. Il nous ordonne les nobles caractères. Il nous ordonne la piété de manière générale et c'est pour cela que le mois de Ramadan a été commandé aux croyants. Nous devons faire nos comptes et savoir où en sommes-nous devant les ordres d'Allah Azza wa Jal et de son messager. Et nous voici dans les 10 dernières nuits, les meilleures nuits de l'année. Ces nuits sont meilleures que l'ensemble des mois de l'ensemble de l'année. C'est pour cela que Aïcha radiallahu anha nous dit, lorsque les 10 dernières nuits entraient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam redoublait d'efforts dans l'adoration d'Allah. Il faisait encore plus que ce qu'il faisait habituellement. Wa kana a'bada an-nas sallallahu alayhi wa sallam. Elle nous dit également que lorsque les 10 dernières nuits entraient, il se serrait la ceinture, c'est-à-dire qu'il redoublait d'efforts dans l'adoration d'Allah et s'éloignait de ses épouses. Et il priait la nuit et passait sa nuit en adoration. Et il réveillait sa famille afin qu'ils obtiennent cette part d'adoration chez Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est ainsi que ceux qui craignent Allah doivent s'entraider chez eux. Ils doivent s'entraider avec leurs épouses et leurs enfants. Ils doivent les encourager durant ces 10 dernières nuits à obtenir une grande part chez Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et dans ces 10 dernières nuits, il y a Laylatul Qadr qui est la meilleure nuit de l'année. La meilleure nuit de l'année, celle qui est meilleure que 1000 mois. L'adoration durant cette nuit est meilleure que l'adoration de 1000 mois dans laquelle il n'y a pas Laylatul Qadr. Plus de 83 ans, celui à qui Allah Azza wa Jal aura facilité l'adoration de cette nuit sera meilleur pour lui que d'avoir adoré Allah Azza wa Jal durant 83 années. N'ayant pas cette nuit, il nous faut donc redoubler d'efforts dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal et savoir que les bonnes actions ou bien ceux qui priment dans les actions, ce sont les dernières. On demande à Allah Tabaraka wa Ta'ala d'accepter nos actions et de nous permettre d'atteindre la nuit de la destinée en adoration, en prière, avec un repentir sincère. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit « Man qama laylat al-qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih » Celui qui prie durant laylat al-qadr avec foi et espoir se verra pardonner l'ensemble de ses péchés passés. Et Laylatul Qadr se trouve dans les 10 dernières nuits. Et on la recherche tout particulièrement dans les nuits impaires. Mais si tu comptes les nuits impaires à partir du début du mois, la première nuit impaire était cette nuit passée. Mais si tu comptes la nuit de Laylatul Qadr en te basant sur la fin, et que le mois est complet ou bien incomplet, il y aura une différence. Alors ça peut être le 21, mais ça peut être aussi le 22. Ça peut être le 23, mais aussi le 24, ou le 25, ou le 27, et ainsi de suite. Donc ce qui est demandé aux croyants, c'est de faire des efforts durant les 10 dernières nuits et ne pas essayer de calculer, car ça peut être la nuit ou la suivante. Mais on invoque Allah Azza wa Jalla afin qu'il nous donne force et espoir afin qu'on puisse l'adorer durant ces 10 dernières nuits et jusqu'à notre dernier souffle. Et durant le mois de Ramadan, parmi les actions qui sont très importantes, est sadaqa, le fait de dépenser de son argent pour Allah Azza wa Jalla, pour les pauvres, pour les orphelins, pour les besogneux, et également dans les mosquées, donc on vous invite à cela. Wallahu a'lam wa sallallahumma wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم تقبل منا صيامنا. اللهم تقبل منا صيامنا. اللهم تقبل منا صيامنا وصلواتنا وصدقاتنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.